Était-il malheureux? Qu'esprit qui le savait dans les trois derniers jours qu'il s'était réservé voulait vite partir. Tous deux, l'un jeune et grave, l'autre joyeuse et jeune, insouciant, esclave, suspendu au bras droit de son rêveur amant, comme à l'hôtel un vase attaché mollement, balancé en marchant sur sa flexible épaule, comme la harpe juive à la branche du saule. Riant les yeux en l'air et la main dans sa main, elle allait en comptant les arbres du chemin pour cueillir une fleur demeurée en arrière. Lui revenait à lui, courant dans la poussière, l'arrêtait par l'habit pour l'embrasser, posait un œillet sur sa tête et chantait et jasait. Sur les passants nombreux, sur la riche vallée, comme un large tapis à ses pieds étalés, beau tapis de velours, chatoyant et changeant, semé de cloches d'or et de maisons d'argent, tout pareil aux jouets qu'aux enfants on achète et qu'au hasard pour eux par la chambre l'on jette. Ainsi pour lui complaire, on avait sous ses pieds répandu des bijoux brillants, multipliés en forme de troupeaux, de villages aux toits roses, bleus d'arbres rangés, de fleurs sous l'onde éclose, de murs blancs, de bosquets bien noirs, de lacs bien verts et de chênes tordus par la poitrine. Elle voyait ainsi tout préparé pour elle. Enfant, elle jouait en marchant, toute belle, toute blonde, amoureuse et fière. Et c'est ainsi qu'ils allèrent à pied jusqu'à Montmorency.